إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنحمد الله جل وعلا الذي وفقنا ويسر لنا هذا اللقاء، فنحمده جل وعلا ونسأله علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، كما نسأل الله جل وعلا الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسأله جل وعلا أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وبعد، donc on va continuer par la grâce d'Allah, par la grâce d'Allah sur notre étude de la vie de ce noble et grand prophète et messager, Nuh alayhi salam. Et donc, on avait dit qu'à travers l'histoire de la vie de ce prophète, on apprend de grands enseignements, et cela nous permet de comprendre dans un premier temps la base du message des prophètes et des messagers. Et ça, c'est très important pour le croyant de comprendre le message, quel était le message des prophètes et des messagers. Sur quoi était fondé ce message? Et quel était véritablement le message de ces messagers? Et de ce fait, lorsqu'on va étudier, Inch'Allah, la vie de différents prophètes, on verra que leur message est similaire. Et on verra les similitudes. Que c'est un seul et même message. Et qu'ils sont tous envoyés de la part du même Seigneur, d'un Seigneur et Créateur unique. C'est pour cela qu'il est très important et très pertinent d'étudier la vie des prophètes et des messagers. Donc on va continuer, Inch'Allah, sur les faits, sur les événements qui se sont produits à l'époque de Nuh, alayhi salam. Donc hier, on avait terminé en évoquant l'arrivée du châtiment et de la punition qu'Allah, Jalla wa Ala, avait fait descendre à cette époque sur terre. Et cela, c'est cela qu'on appelle le déluge, At-Tufan, le déluge qui s'est produit sur terre. Donc Allah, Jalla wa Ala, a fait descendre cette punition qui était ce déluge. Et donc on a commencé dans l'assise d'hier à décrire ce déluge. Du fait que Allah subhanahu wa ta'ala, par miséricorde, avait envoyé, comme on l'a précisé, Nuh à son peuple. Alors que ce peuple-là s'adonnait à l'adoration d'idoles et de statues en les adorant. Ils avaient délaissé l'adoration de leur Seigneur, alors qu'on avait bien stipulé dans les cours précédents, alors que l'humanité, dès le départ, était sur l'adoration de leur Créateur jusqu'à ce qu'ils ont dévié vers l'adoration d'autres que lui, de ses divinités. Et donc Allah, par miséricorde, a envoyé Nuh alayhi as-salam. Et Nuh les appela. Et il patienta, comme on a décrit son appel. Donc il patienta, les appela Allah subhanahu wa ta'ala, en essayant de toutes ses forces, par tous ses moyens, avec sagesse, avec piété, avec dévotion, avec sincérité, en essayant par tous les moyens de les faire revenir vers la vérité et vers la raison, de les faire revenir vers la grâce, vers l'adoration de leur Créateur. Mais en vain. En vain. Et avec la succession et l'écoulement et le passage du temps, et une génération s'éteignait et prenait place une autre génération, et il ne cessait de les appeler. Ensuite, il invoqua Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour ce fait, et pour cela, face au déni, au mépris de son peuple, face à la non-acceptation de la vérité de son peuple, Allah subhanahu wa ta'ala fit descendre cette punition. Et donc, ils furent anéantis. Et donc, ça, c'est très important de le rappeler, de le souligner, puisque c'est un événement qui a touché le monde. C'est un événement dans l'histoire du monde qui est d'une immense importance. C'est pour ça que même dans d'autres livres, il y a la mention du déluge. du déluge qui s'est produit à l'époque de Noé. Donc l'histoire du déluge, c'est une histoire d'une immense importance touchant toute l'humanité. Puisque vous allez voir ensuite les conséquences qu'il y aura à cela. Donc c'est pour cela qu'on insiste sur cela et c'est une histoire qu'il faut vraiment méditer et connaître que ce déluge, c'est un fait réel et véritable qui s'est produit sur Terre. Et ça a changé le cours des choses, comme on va le voir. C'est pour ça que c'est véritablement important de connaître cela. Donc on a décrit dans la dernière assise ce déluge qu'Allah Jalla wa Ala a envoyé en guise de châtiment et de punition pour ce peuple qui n'acceptait pas la vérité et s'enflait d'orgueil et ne faisait que se moquer. Et comme on l'a précisé les fois dernières, il ne faisait que se moquer du message de Nuh, alayhi salam. Et malgré que Nuh, alayhi salam, les avertissait son peuple d'un châtiment prochain et d'une punition prochaine. Mais malgré ces avertissements, malgré cela, ils étaient dans leur obstination et leur entêtement. Donc ils ne voulaient pas croire en cela. Et Nuh, malgré cela, persistait et patientait et les avertissait. Il les avertissait de ce châtiment prochain et leur demandait de revenir. Mais malgré ces avertissements, son peuple s'obstinait. Et donc, lorsque vint le déluge, lorsqu'est apparue justement la vérité, cela était trop tard. Et donc, il était trop tard pour eux. Et parmi les épreuves, puisqu'on a dit que c'était une immense et grande épreuve, et Allah Jalla wa Ala décrit dans le Coran l'épreuve de Nuh comme une épreuve terrible. Comme une épreuve terrible. Et on a dit que dans l'embarcation, justement, sur l'arche, il y avait certains de ses enfants, et ça, on en rediscutera parce que ça va avoir des conséquences ensuite dans l'histoire de l'humanité. Et là, c'est très important de le savoir, c'est que pour comprendre des événements qui se sont produits concernant l'histoire de l'humanité, il faudra comprendre ensuite ce qui s'est produit, puisque ça va vraiment changer, ça va être un tournant dans l'histoire de l'humanité, comme on l'a dit précédemment. Donc, avant d'expliquer ça, on va d'abord citer certains détails justement du déluge. Et parmi les épreuves, et comme on l'a dit précédemment, Allah Jalla wa Ala a décrit l'épreuve de Nuh dans le Coran comme étant une épreuve terrible. Et c'est pour cela que le croyant y trouve du réconfort. Lorsqu'il lit l'histoire des prophètes, lorsqu'il médite les versets relatant les histoires des différents prophètes et messagers qui ont été envoyés, il verra de nombreuses similitudes. Premièrement, comme on l'a dit déjà, les similitudes concernant la base du message des prophètes et des messagers. Du premier messager Nuh jusqu'au dernier, le sceau de la prophétie qui était le prophète Mohammed, c'était le même message. Tous les prophètes et les messagers ont le même message et ça on va pouvoir le constater d'une manière plus précise lorsqu'on va, avec la grâce d'Allah, tout au long de ce mois béni du Ramadan, si Allah nous le permet, étudier différents passage du Coran où est relaté différentes histoires de prophètes et de messagers. Et donc on constatera, on étudiera la base de ces messages et on verra cette similitude, on verra que le message est un message unique. Deuxièmement, on voit parmi les similitudes dans la vie des prophètes et des messagers, ils ont tous été éprouvés. Et c'est pour cela que le croyant, lorsqu'il médite les histoires des prophètes et des messagers, alors il trouve du réconfort. Pourquoi? Parce que s'il voit que lui, il est éprouvé, qu'il sache qu'il y a eu des gens plus éprouvés que lui. En l'occurrence, on avait déjà mentionné dans un récit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Ashadul bala al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal ». Les gens les plus éprouvés, ce sont les prophètes. Les prophètes sont les gens les plus éprouvés. Et c'est pour cela que celui qui se sent éprouvé, ici-bas, dans sa vie de tous les jours, celui qui a des épreuves, celui dont Allah Jalla wa Ala l'a mis à l'épreuve, alors qu'il sache que avant lui, des gens meilleurs que lui, et des gens qu'Allah Jalla wa Ala aimait, qu'il a choisi, élu pour transmettre sa révélation, ont vraiment été éprouvés. Et donc les prophètes, ce sont ceux qui ont eu les plus grandes épreuves. Ne serait-ce que de lire, par exemple, dans la vie du prophète Nuh, alayhi salam, ou de lire dans la vie du prophète Ibrahim, jusqu'au dernier des messagers, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, lisez dans la vie du prophète Mohammed, vous allez voir, et vous avez pu constater les épreuves qu'avait subies le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela, méditez les histoires des prophètes, et ben le croyant va trouver du réconfort, du fait que si lui, il est éprouvé, si lui, il a des épreuves dans sa vie, alors, en regardant les épreuves et en méditant les épreuves des prophètes et des messagers, ça va le réconforter de savoir que lorsqu'Allah aime un peuple, il éprouve. Et de ce fait, Allah subhanahu wa ta'ala purifie les serviteurs. Et ces épreuves sont souvent des expiations. Une purification et une expiation des fautes. Regardez, pour continuer dans notre sujet, le prophète Nuh, alayhi salam, à un moment donné, il cherche l'un de ses fils. Et donc dans l'arche, il y aura parmi ses enfants, il y aura certains de ses enfants, mais il y a un de ses fils que Nuh cherchait. Et Nuh, en tant que père, n'a pas pu résister d'appeler son fils. Et ça fait partie de l'amour paternel. Et donc, il appela son fils, l'un de ses fils. Mais l'un de ses fils, qui était têtu et obstiné, ne croyait pas au message de Nuh, alayhi salam, ne croyait pas au message de son père. Et de là, c'est là qu'on voit l'influence qu'ont les masses. Les gens faibles suivent les masses, c'est-à-dire les gens faibles d'esprit, ceux qui ne sont pas guidés, au lieu de suivre la vérité, eux, ils suivent les masses et le nombre, alors qu'il ne faut jamais porter attention au nombre. Parce que le nombre n'indique pas que, le grand nombre n'indique pas forcément que les gens qui sont en grand nombre sont forcément sur la vérité. Bien au contraire, le grand nombre est souvent blâmé dans le Coran. Et c'est pour ça que dans maintes versets, Allah Jalla wa'ala nous dit que si vous suivez la majeure partie des gens, alors ils vous égarent du droit sentier, du chemin droit. Si on suit la majorité des gens, les gens vont nous égarer du droit chemin. Puisque la majorité ne sont pas forcément bien guidés. C'est pour cela qu'il ne faut jamais prendre la majorité comme guise de preuve et d'argument en pensant que la majorité va vers la vérité. Et à l'époque, en l'occurrence de Nuh, c'était une grande épreuve, une épreuve véritable. Pourquoi ? Parce que la majorité des élites de la société, comme on l'avait dit, des notables, des gens qui avaient un rang dans la société, des dirigeants réfutaient Nuh et méprisaient Nuh et mécroyaient en Nuh. Et donc ça avait un impact. Comme aujourd'hui, cela a un impact. Les masses ont un impact sur les individus et les élites et les riches, les stars, les gens qui ont une certaine notoriété ont un impact sur les individus. Et c'est pour cela qu'il ne faut jamais prendre en considération la majorité dans ces questions-là. Mais ce qu'il faut surtout prendre en considération, c'est les preuves émanant de notre Seigneur subhanahu wa ta'ala, exalté soit-il. Les preuves émanant du Créateur. C'est ça qu'il faut prendre en considération. Ensuite, si la majorité suit les preuves venant de notre Seigneur et sont sur la vérité, alors la louange appartient à Allah, mais si la majorité suit autre que le chemin droit et ne suit pas l'épreuve émanant de notre Seigneur, même si la personne est seule, même s'ils sont quelques personnes, alors ils doivent s'attacher et s'accrocher à cette vérité émanant de la part de leur Seigneur. C'est pour cela que lorsqu'on lit l'histoire de certains prophètes, il y a des prophètes qui n'ont pas eu de partisans ou très peu de partisans. En l'occurrence, on a un exemple en face de nous dans cette histoire de Nuh qui a eu très peu de partisans, alors qu'il est resté très longtemps sur terre. Il a appelé les gens au bien, mais il a eu très peu de partisans. C'est pour ça que le jour de la résurrection, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous indique cela, que certains prophètes viendront avec une communauté et d'autres viendront avec très peu de partisans et d'autres n'auront point de partisans, si ce n'est peut-être un seul partisan. Un seul homme. Et ça, c'est des choses à prendre en considération. En l'occurrence, lorsque les masses refusent l'appel d'un prophète, ça a un impact ça a un impact sur les gens. Et en l'occurrence, ici, pour revenir à cette épreuve de Noé, l'un de ses fils, justement, s'était obstiné. Il avait fait preuve d'arrogance. Et lorsque Noé l'appelait pour venir se réfugier et embarquer dans l'arche, parce que tous ceux qui allaient te sauver, c'est ceux qui allaient embarquer dans l'arche, et ceux qui n'embarquaient pas dans l'arche, alors ils allaient périr. Et donc, lui, Noé, avait conscience de cela, et donc il appelait son fils à venir se réfugier, à venir, à embarquer dans l'arche. Mais son fils lui disait, je vais me réfugier vers un mont qui me protégera de l'eau. Et à ce moment-là, lorsque son fils a dit ça, l'eau n'avait pas couvert toutes les montagnes. C'est pour cela que Noé a répondu à son fils, car il sait que ce n'est pas une simple pluie, même si certains pour le moment voyaient que c'était une simple pluie, mais lui, Noé, alayhi salam, savait que ce n'était pas une simple pluie, mais c'était plutôt le châtiment divin qui était descendu. Alors il lui dit, il n'y a aujourd'hui aucun protecteur contre l'ordre d'Allah. Tous périront, sauf celui à qui il fait miséricorde. Alors, et c'est là que Noé, il est rapporté qu'il vit son fils courir vers le sommet d'une montagne, pour se réfugier vers le sommet d'une montagne, et l'eau était derrière lui. Alors, Noé appelait son fils, mais son fils ignorait, et il pensait vraiment que dans cette montagne, il serait sauvé. Que s'il rejoignait le sommet de cette montagne, il serait sauvé de l'eau. Mais même son fils fut atteint et il n'a pas été sauvé. Car les vagues à ce moment-là s'interposèrent entre les deux et à ce moment-là, le fils fut alors du nombre des noyés. Donc il fut noyé. Et ça, c'était une épreuve pour Noé, alayhi salam. Mais il y a un grand enseignement à travers cela. C'est que même les prophètes et les messagers ne guidaient pas qui ils aiment. La guider, ce n'appartient pas aux prophètes, aux messagers, mais cela appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Par contre, eux, ils ont une guidée qu'on appelle d'orientation, d'indication. Ils orientent les gens vers le bien, ils leur indiquent le chemin droit. Mais par contre, guider les gens, ouvrir leur cœur, faire aimer aux gens la vérité, cette guidée de succès qui touche les cœurs, seul Allah subhanahu wa ta'ala détient celle-ci. Et c'est pour cela qu'il faut invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Nuh est un exemple pour toute personne qui veut appeler ses proches au bien. Une personne qui se convertit à l'islam, il veut appeler ses proches au bien. Une personne qui aime ses proches, qui veut les appeler au bien, qui veut les appeler à la vérité, vous avez en Nuh un exemple. Un modèle dans la prédication. Regardez, Noé a patienté. Noé a toujours gardé un bon comportement. Il a toujours enduré. Les personnes aujourd'hui qui, lorsqu'ils prêchent, lorsqu'ils appellent leurs proches au bien et à la vérité, et ils s'impatientent, on voit beaucoup de jeunes qui s'impatientent lorsqu'ils prêchent et perdent patience, et ensuite sont épris par de mauvais comportements et eux-mêmes perturbés du fait qu'ils ne comprennent pas que leurs proches n'acceptent pas la vérité, c'est qu'ils n'ont pas compris. Et c'est qu'ils n'ont pas médité les histoires des prophètes et des messagers, en l'occurrence l'histoire de Nuh, alayhi salam. La guidée ne nous appartient pas. Nous, ce qui nous appartient, c'est d'orienter les gens vers le bien, leur indiquer le chemin droit, mais ensuite qu'ils soient guidés, qu'ils acceptent la vérité, ça appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que ce qui incombe, c'est de transmettre. Tout simplement. Ce qui incombe, ce qui nous incombe, ce qui incombe à chacun, c'est de transmettre la vérité à nos proches, à ceux qu'on aime. Ensuite, qu'ils acceptent la vérité, ça il faut invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, puisque l'acceptation de la vérité, celui qui accorde le succès à cela, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, cette histoire-là, à méditer, pousse chacun d'entre nous qui fait ad-da'wa, qui veut appeler ses proches ou bien de toujours avoir cela à l'esprit, de patienter, d'être endurant, de toujours garder les nobles et bonnes moralités, et d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, et de savoir que la mission, c'est juste de transmettre. On oriente les gens vers le bien, on indique où se trouve le bien, mais ensuite, celui qui accorde le succès pour suivre et accepter ce bien, c'est Allah, comme on l'a dit précédemment. Et d'ailleurs, cette notion-là qu'on vient de mentionner, c'est même cité, mentionné dans un verset, lorsqu'Allah, justement, en s'adressant au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui dit, innaka la tahdi man ahbabt. Walakin Allah yahdi man yasha, innaka la tahdi man ahbabt. Certes, tu ne guides pas qui tu aimes, mais c'est Allah qui guide qui il veut. Donc, ensuite, Nuh, alors qu'il fut sur l'arche, avec les croyants qui étaient avec lui, tous remercièrent Allah subhanahu wa ta'ala et scandaient les louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tous ceux qui étaient avec Nuh sur l'arche ont été sauvés. C'est pour cela qu'il est dit louange à Allah qui nous a sauvés du peuple injuste lorsqu'ils étaient sur l'arche. Et à ce moment-là, donc, l'arche voguait au milieu de la mer. Et l'eau a débordé sur tout. L'eau avait débordé sur tout. Et ce désert-là était devenu une mer. Mais pas n'importe quelle mer, c'était une gigantesque mer qui avait couvert même les sommets des montagnes. Toutes ces montagnes, les sommets étaient couverts par cette eau. Et quelques instants plus tôt, c'était un désert aride. Et maintenant, l'eau courait de partout. Et c'est pour ça que dans un verset, Allah Jalla wa Ala dit, une traduction relative, c'est nous qui, quand l'eau déborda, vous avons chargé sur l'arche afin d'en faire pour vous un appel que toute oreille fidèle conserve. Dans la sourate 69, le verset 11. Et donc, combien de temps les gens sont restés sur l'arche avec Nuh? Combien de temps ils sont restés sur l'eau? Est-ce que c'était des jours? Est-ce que c'était des mois? Wallahu a'lam. Seul Allah en a la connaissance. Mais l'eau avait couvert toute la terre. Et il n'est resté vivant sur terre, il ne restait de vivant sur terre, si ce n'est Nuh et ceux qui avaient cru avec lui et qui étaient sur l'arche. Et cela après le déluge. Cela après le déluge. Alors qu'ils étaient sur l'arche, donc ils invoquaient Allah, subhanahu wa ta'ala. Et Nuh continuait d'invoquer son Seigneur. Et il disait, ô mon Seigneur, certes mon fils est de ma famille, et ta promesse est vérité, tu es le plus juste des justes. Tu es le plus juste des justes. Et là, Nuh faisait allusion à son fils qui avait été noyé. Et ensuite, dans le verset, Allah a répondu à Allah, subhanahu wa ta'ala. Et donc, après un certain temps, alors que Nuh et les croyants étaient toujours sur l'arche, alors ils priaient, et ils invoquaient, et ils remerciaient Allah, subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, à la fin du déluge, maintenant, il y a un enseignement très important à comprendre. En effet, après que tous les croyants qui avaient cru en Nuh étaient sur l'arche, donc à un moment donné, il va se passer quelque chose de très important, lorsque le niveau d'eau diminuera. Et c'est pour ça qu'on a dans un verset, dans un passage dans le Coran, dans un verset où Allah subhanahu dit une traduction relative, il fut dit, ô terre, absorbe ton eau, et toi, si elle cesse de pleuvoir, en quelque sorte, l'eau baissa, l'ordre fut exécuté, et l'arche s'installa sur le Djoudi. Et l'arche s'est donc arrêtée sur un mont qui s'appelait le Djoudi, qui se trouve en Irak. Qui se trouve en Irak. Et il fut dit que disparaissent les gens pervers. Et Nuh et les croyants, donc, sont descendus de l'arche, sains et saufs, et donc sur une terre où il n'y a plus ces gens qui étaient infidèles et qui s'adonnaient à l'adoration d'autres qu'Allah. Il n'y avait plus de polythéisme. Il n'y avait plus de polythéistes, et ils vont de nouveau donc vivre sur terre avec la foi et l'unicité du Seigneur, du Créateur unique dans leur cœur. Et donc ça, c'est pour ça que c'est très important. Donc comme on l'a dit tout à l'heure, ça a changé le cours des choses et c'est un tournant dans l'histoire de l'humanité. Et vous allez bien comprendre pourquoi. Donc l'histoire du déluge, après le déluge, donc ce châtiment, cette punition qui est venue de la part du Créateur des mondes, de l'univers, ça a été un tournant pour l'histoire de l'humanité. Pourquoi? Puisque comme ensuite, il nous est relaté, c'est que les naissances d'enfants se sont arrêtées pour tous les gens, pour tous les êtres. Seuls Noé et ses enfants pourront avoir une progéniture et une descendance. C'est-à-dire que, comme il nous est mentionné dans un verset, et beaucoup de savants se basent sur ce verset pour dire qu'il n'y avait plus ensuite de descendance autre, il n'y aura plus de descendance autre sur Terre si ce n'est la descendance de Noé, alayhi salam. Pourquoi? Parce que les gens qui n'ont pas cru en lui et qui n'ont pas été sauvés, qui n'ont pas été sur l'arche, ont été anéantis. Donc ils ont disparu. Et les seuls êtres ensuite à subsister sur terre, c'était Noé et les croyants. Et les seuls êtres qui auront une descendance, ce seront les enfants de Noé, alayhi salam. Et donc ça va changer le cours des choses et ça va être un tournant dans l'histoire de l'humanité. C'est pour cela que l'histoire du déluge est très importante. Et de ce fait, regardez, ce qui prouve cela, c'est dans un verset, Allah Jalla wa Ala nous dit: Wa ja'alna dhurriyyatahum humul baqin. Allah dit qu'il a fait qu'il a fait subsister que sa descendance. Regardez, Wa ja'alna dhurriyyatahum ou dhurriyyatahu humul baqin wa tarakna alayhi fil akhirin salamun ala nuhin fil alamin. Donc Allah Jalla wa Ala dit dans une traduction native, en ne laissant subsister que sa descendance et nous perpétuâmes son souvenir dans la postérité. Et de ce fait, beaucoup de savants, beaucoup de spécialistes dans le domaine considèrent que la seule descendance qui va prospérer ensuite, se propager sur terre, c'est la descendance de Noé. C'est-à-dire qu'ensuite, après le déluge, tous les gens, tous les êtres humains seront les descendants et la descendance feront partie de la descendance de Noé, alayhi salam. Et ça, c'est très important. Et c'est pour cela qu'il est dit que les naissances d'enfants se sont arrêtées pour tous les hommes, pour tous les gens. Et seul Noé et ses enfants donc pourront avoir une progéniture et une descendance. Et à partir de là, c'est pour ça que ça va changer le cours de l'histoire de l'humanité. Pourquoi? Parce qu'à partir de là, tous les hommes donc feront partie de la descendance de Noé, alayhi salam. C'est pour cela qu'on avait évoqué que dans l'arche, il y avait la présence de ses fils. Et en l'occurrence, il y a la mention de trois de ses fils. Et justement, les gens sur terre ensuite seront issus, seront les descendants, feront partie de la progéniture de ses fils, justement, donc directement de Noé, alayhi salam. Et en l'occurrence, il y avait l'un de ses fils qui s'appelait Sem, un autre Ham, et un autre Yafith. Et un autre Yafith. C'est pour ça qu'on avait mentionné dans un récit, il nous est rapporté dans un récit que le prophète sallam a dit que Sem est le père des Arabes, et Ham est le père des Al-Habash, des Éthiopiens, et Yafith est le père des Romains. Mais ce récit, beaucoup de savants, spécialistes en la matière, considèrent que ce récit est faible, que ce récit n'est pas authentique, qu'il est dit que Sem serait le père des Arabes et Ham le père d'Al-Habash et Yafis le père des Romains. Beaucoup de savants, en l'occurrence c'est Cheikh Al-Albani, considèrent, comme il est rapporté, qu'il juge ce récit faible. Mais ce qui est authentique, c'est que les nouveaux hommes qui vont vivre sur terre feront partie de la descendance de Noé et donc parmi les enfants de ces enfants qu'on a cités. Donc tout simplement pour résumer, ce seront les enfants de Noé qui ont été sur l'arche, qui ont été sauvés, qui pourront avoir une progéniture. Et cette progéniture-là ensuite composera les nouveaux hommes. Les hommes, c'est-à-dire une nouvelle fois, tout simplement, après Adam, l'humanité va descendre d'un seul homme. L'humanité va descendre d'un seul homme, en l'occurrence, Noé, alayhi salam. Et de ce fait, beaucoup de savants expliquent cela, vous pouvez retrouver cela expliqué et détaillé dans les livres d'interprétation du Coran, d'exégèse du Coran ou dans des livres d'histoire où les savants expliquent. Et justement, ils se basent sur ce verset wa ja'alna dhurriyyatahum al-baqin wa tarakna 'alayhi fil akhirin. En ne laissant subsister que sa descendance et nous perpétuâmes son souvenir dans la postérité. Pourquoi? Parce qu'il est dit dans le verset Humul Baqin, c'est-à-dire c'est sa descendance à lui qui va subsister et se perpétuer. Et donc c'est pour cela qu'une nouvelle fois, après Adam, alayhi salam, l'humanité va descendre d'un seul homme. Bon, à savoir que Noé fait partie des enfants de la descendance de Adam, alayhi salam, puisque Adam est le père de l'humanité. Mais ce qu'il est dit, c'est qu'ensuite, après le déluge, les hommes descendront directement ici, feront partie de la descendance de Noé, alayhi salam. Il y a des savants qui considèrent que avec le déluge, ce n'est pas tous les hommes qui étaient sur terre qui ont été anéantis. Il restait des peuples. Pour cela, certains considèrent que les gens qui resteront ensuite sur terre ne font pas forcément tous partie de la descendance de Noé, alayhi salam. Donc ça, c'est un avis que vous pourrez retrouver dans certains livres, puisque certains considèrent que ce n'est pas tous les hommes qui ont été anéantis. Il y avait d'autres peuples où le prêche et l'appel de Noé leur étaient pas parvenus. Leur était pas parvenu, et ces peuples-là n'ont pas forcément été anéantis et exterminés, et n'ont pas subi la punition et le châtiment qui étaient descendus sur terre. Donc eux considèrent qu'il y a une autre descendance. Mais beaucoup de savants considèrent que non, considèrent qu'il n'y avait plus d'hommes. Après le déluge, les seuls qui restaient, c'était les croyants qui étaient sur l'arche. C'est les seuls hommes qui restaient. Et en l'occurrence, ensuite, les seuls qui pourront avoir une descendance, une progéniture, Allah va permettre cela aux enfants de Nuh, alayhi salam. Pour cela, parmi ces enfants, il y a Sem, comme on verra plus tard, puisque ensuite ça aura un impact dans l'histoire, de connaître justement ensuite ce qui se produira ensuite, et ça c'est très important. Donc, parmi ces enfants, il y avait l'un qui s'appelait Sem, l'autre Ham, et l'autre Yafith. Et l'autre Yafith. Et donc, de cela, l'avis le plus juste chez beaucoup de savants, c'est qu'il ne restait personne sur terre à part ceux qui ont été sauvés et qui étaient sur l'arche, les croyants qui étaient sur l'arche, en compagnie de Nuh, alayhi salam. Et donc, après le déluge, c'est pour ça que ces savants considèrent que l'humanité ensuite descendra de Nuh, alayhi salam. C'est pour ça qu'il est même dit. Il est même dit dans un verset que les prophètes qui viendront après feront partie tous de la descendance de Nuh, alayhi salam, comme cela est mentionné dans un verset. Comme aussi plus tard, après la venue du prophète Ibrahim, alayhi salam, tous les prophètes qui viendront feront partie de la descendance, de la lignée de Ibrahim, alayhi salam. C'est pour ça qu'Ibrahim aussi fut appelé le père des prophètes. Le père des prophètes. Regardez dans un verset, dans la sourate Le Fer, le verset 26. Allah nous dit: Wa Ibrahim wa ja'alna fi dhurriyyatihima an-nubuwwata wal kitab. Une traduction relative du sens du verset, Allah Jalla wa'ala nous dit: Nous avons certes envoyé Nuh et Ibrahim, et nous avons mis dans leur descendance An-Nubuwata wal-Kitab. An-Nubuwa, c'est la prophétie et les livres. Et le livre. Donc Allah Jalla wa'ala nous dit qu'il a envoyé Nuh, ainsi qu'il a envoyé Ibrahim, alayhi salam, et tous deux étaient des messagers. Et Allah a mis dans leur descendance à tous deux la prophétie et le livre. Et le livre. C'est pour cela qu'après Nuh, alayhi salam, tous les prophètes qui viendront feront partie de la descendance, de la lignée de Nuh, alayhi salam. De même, après Ibrahim, alayhi salam, les prophètes qui viendront feront partie de la descendance et de la lignée d'Ibrahim, alayhi salam. C'est pour cela que Al-Hafid l'érudit Ibn Kathir, Rahimahullah, disait: يخبر الله جل وعلا أنه منذ بعث نوحا عليه السلام لم يرسل بعده رسولا ولا نبيا إلا من ذريته وكذلك إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن لم ينزل من السماء كتاب ولا أرسل رسولا ولا أوحى إلى بشر من بعده إلا وهو من سلالته. Et regardez, Ibn Kathir disait qu'Allah justement nous informe que depuis qu'il a envoyé Nuh, il n'a plus envoyé de messagers, ni de prophètes, si ce n'est qu'ils font partie de sa descendance. Tous les prophètes, comme on a dit précédemment, et les messagers qui viendront après Noé feront partie de cette descendance, comme le confirme Ibn Kathir dans l'explication du et l'interprétation du verset. Et de même Ibrahim, Khalil Ar-Rahman, lam yanzil min as-sama'i kitaban. Il n'y a pas un livre qui est descendu des cieux, et ni un messager ou un prophète qui était envoyé, ni un prophète qui a reçu une révélation sans qu'il fasse partie de la descendance de Ibrahim alayhi salam après lui. Et donc ça, c'est important de le connaître. Donc, comme on l'a dit précédemment, beaucoup de savants, donc, eux, considèrent que non. Les seuls ensuite êtres qui restaient sur terre, c'était ceux qui étaient sauvés, qui avaient cru en Noé et qui étaient sur l'arche. Et en l'occurrence, il y avait parmi eux ses fils, et ses fils à Noé, c'est eux qu'Allah permettra d'avoir une progéniture. Une progéniture. Et ça, c'est donc confirmé dans le verset, et vous pourrez trouver cela dans, comme je l'ai dit précédemment, dans les livres d'histoire relatant les histoires des prophètes et aussi dans le tafsir. Par exemple, dans tafsir Ibn Kathir, il y a un rapport d'après Ali ibn Abi Talha, Ali ibn Abbas. Donc il y a un énoncé, un récit nous remontant jusqu'à Abdallah ibn Abbas qui dit Lam tabqa illa dhurriyata Nuh alayhi salam, qu'après le déluge, il ne restait plus de descendance si ce n'est celle de Nuh alayhi salam. Wa qala Qatada, et de même Qatada, le célèbre et illustre érudit, il dit par rapport au verset Wa ja'alna dhurriyatahum humul baqin, wa ja'alna dhurriyatahu, et nous avons fait de sa descendance celle qui perdurera, subsistera sur terre. Il dit qal annas kulluhum min dhurriyyati nuh alayhi salam, que tous les gens qui viendront ensuite feront partie de la descendance de Nuh, et ça vous pouvez le retrouver dans le tafsir al-Qur'an al-Azim de Ibn Kathir. Et donc combien étaient-ils sur l'arche avec Nuh alayhi salam? Ça, on a dit que les savants ont divergé sur le nombre. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'ils étaient très peu, puisque Allah Jalla wa'ala, dans le Coran, nous dit qu'ils étaient peu. C'est ça l'information qu'on a clairement dans les textes, dans le Coran et la Sunna, c'est que les croyants qui étaient sur l'arche avec Nuh alayhi salam étaient peu. C'est pour cela que Al-Hafidh Ibn Kathir aussi dit que les savants donc ont divergé sur le nombre de gens qui étaient sur l'arche. Qui était sur l'arche avec Ibrahim, Nuh alayhi salam, pardon. Et d'après Abdallah ibn Abbas, il dit kanu thamanina nafsan ma'hum wa nisa'uhum. Ils étaient, d'après Abdallah ibn Abbas, il est rapporté dans le tafsir d'Ibn Kathir, qu'ils étaient à peu près 80, selon le tafsir de Abdallah ibn Abbas, avec leurs épouses aussi. Wa an Ka'b al-Ahbar, il dit kanu ithnain wa sab'ina nafsan. Et d'autres ont dit qu'ils étaient 72, comme on avait cité cela rapidement dans l'assise précédente. Et d'autres ont dit qu'ils étaient une dizaine. L'important, ce qui est confirmé dans le Coran et dans la tradition prophétique, c'est qu'ils étaient peu. Et l'important, c'est que les savants ensuite nous enseignent, donc c'est un tournant pour l'histoire du monde. Pourquoi? Parce que ensuite, ceux qui vont vivre ensuite, ceux qui viendront, seront et feront partie de la progéniture, comme on l'a bien explicité dans ce qui a précédé, feront partie de la progéniture de Nuh, alayhi salam. Donc j'ai bien insisté sur ce fait, pourquoi? Parce que maintenant, on va comprendre et déduire quelque chose d'important. Donc, à présent, c'est comme s'il y a un nouveau départ, les gens qui vivent sur terre sont croyants, et donc seront sur la religion du Créateur, et le monothéisme. Et donc, c'est comme si c'est un nouveau départ pour l'histoire de l'humanité et pour comprendre ensuite la suite des choses avec l'envoi de nouveaux prophètes et de messagers, il fallait d'abord connaître cette étape-là et l'histoire de Nuh alayhi salam. Donc, on va se quitter sur ça. Et dans une prochaine assise, Inch'Allah, on continuera sur l'explication de cela. Et vous verrez qu'il y a de nombreux enseignements à tirer à travers l'histoire. Et donc, comme c'est un tournant dans l'histoire de l'humanité, pour bien comprendre cette histoire-là, il fallait étudier et méditer l'histoire de Noé, alayhi salam, et les conséquences du déluge qui s'est abattu sur Terre. Et pour plus de détails, donc pour ceux qui veulent vraiment plus de détails, revenez au Kutub et Tafasir, les livres de grands savants de notre communauté, où qu'il y a l'interprétation des versets, justement des passages relatant ces faits, ou les livres d'histoire, où que les savants relatent ces faits, justement à travers justement l'évocation des passages qu'il y a dans le Coran, les versets, en les interprétant et les expliquant. Wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik, shadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.